Jean-Yves. Quoi? Il me faut une bibine. Une bonne alcoolique bibinasse. Pour toutes les fêtasses qui tracent devant le palace. Ouais, ouais. Le saillot qui râle. Ça se passe. Bon, là, je suis là. Gars, mat, les dégâts. Gars, t'es gaga. Quand je prends le max, c'est ça. Ouais, l'histoire commence quand je commence à boire l'alcool qui me brûle le foie comme de l'essence. Au contact de la flamme, fire. L'ivrogne de service tombé dans le vice de la piste. Déjà, la 8-6, la 9-8, la 10. Avant que tu m'aperçoives, j'ai déjà ruiné 3-8-6 dans les coulisses. Ça circule calmement dans mon sang. J'suis défoncé, mais t'es un survivant. J'essaye de marcher droit, mais ça ne va plus, ça ne va pas. J'suis tellement fire. Ah, j'adore ça, le col. Ah, le mousse. Le whisky coca. Ah, ça me fire. Le cocktail de l'éternel, j'réalise rien de ces quatre. Pour une de ces claques. Et on sera paré pour le massa. Ah, ah, ah, ah, ouais. Appelez les pompiers, c'est le feu dans la cité. Oh hé, dans les escaliers ça pue la fumée. Oh les gars SVP, arrêtez de pomper. Hachiche, ok, mais avec une rodée. Sinon je ne supporte pas, déjà que je n'aime pas. Le taga, le pastaga, ça me rend gaga. Tout ça, je tousse à cause de ça. Je dégueule à cause de ça. Mais des fois, tu vois, ça va. Je suis aïe, ah oui, mon œil. Défoncé jusqu'à l'entrée, conduisait le cercueil. Déjà que je mélange les alcools et la fumée. À fait, tiens de défense, le moyen pas plus affamé. Tchatché, je prends le microphone, c'est la nique pas. Si tu niques pas, c'est parce que tu niques pas. Ah, le salio qui est là et ne joue pas. Ah, avec les MC qui veulent sortir leur push car. Face à moi, j'ai pas besoin de ça. Je prends juste un petit couteau, quelques coups dans le dos. Et puis c'est bouchon pour ton dos. On fait une petite opération. Le salio remet la pression. Une pure pulvérisation perpétuelle. Je laisse des séquelles, je fais même des étincelles. Je vais trop vite, je suis comme la tanière. T'es star ou ça? Ouais, c'est ta que j'ai gagné à part, reçois. Le seigneur qui est là, balance son flanc. Et quand je prends le micro, c'est un alcoolo au bistrot. Tu parles de l'alcoolo? Oui. Oh, oh, oh. Le clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic cl